J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Constitutionnel, 29 juillet 1830. Aux troupes. Soldats, le cercle de vos devoirs est tracé par la loi militaire, par l'humanité et par l'honneur qui parlerait plus haut que cette loi si elle n'avait pas dit que, hors ce qui n'est ni juste ni personnel, l'obéissance cesse d'être un devoir pour vous. Eh bien, nous vous le demandons. Est-il juste de faire feu sur des hommes qui demandent le maintien de la loi solennellement jurée? Est-il raisonnable de renverser un ordre de choses par lequel vous êtes officier ou qui vous assure le droit de le devenir pour rétablir le régime sous lequel vous étiez désigné par le nom de « commun » sous lequel les plus favorisés de ces communs arrivaient à peine au grade d'officier de compagnie et que le privilège flétrissait du nom insultant d'officier de fortune? Homme, aucun sentiment d'humanité n'émeut-il vos entrailles en lançant la mort sur des masses où elle frappe au hasard aussi bien le vieillard que le jeune homme, la femme et l'enfant faible et inoffensif, que le garde national armé pour la défense de ses droits des Français qui ne sont pas moins que les droits de l'armée, que ceux des citoyens militaires, n'y a-t-il rien au fond de vos poitrines qui murmure contre l'abus de la force? Homme, essentiellement voué à l'honneur, de quel œil regardez-vous vos armes souillées du sang des enfants et des femmes? Foulez-vous d'un pied indifférent ces tendres et déplorables victimes de votre aveugle obéissance? Êtes-vous sans mère, sans sœur, sans famille? Les noms de France et de patrie n'éveillent-ils dans votre âme aucun sentiment généreux? Voulez-vous qu'il reste dans l'histoire un monument d'éternelle honte pour les armes françaises? Et qu'elles disent que la capitale de la France et de la civilisation, deux fois épargnée par l'invasion étrangère, a succombé sous des soldats nationaux. Et cependant, ce n'est plus que par la complète destruction de Paris que vous pouvez parvenir à vaincre notre juste et légitime résistance. Tant qu'il restera une rue que nous puissions barricader, une maison dans laquelle nous puissions nous retrancher, un meuble, un pavé à jeter pour notre défense, nous nous en servirons pour armer nos justes droits, pour protéger cette charte que Louis XVIII nous a donnée et que Charles X a jurée. Les deux sanglantes journées de lundi et de mardi vous ont montré que nous ne craignons pas la mort, que nous savons la recevoir avec courage, la subir avec résignation, et que la vue de nos frères tués ou à un moment dispersés ne nous inspire d'autres sentiments que la douleur d'avoir à recevoir la mort ou à la donner à des hommes parmi lesquels nous voyons toujours nos parents et nos amis, même alors qu'ils semblent avoir rompu tous les liens du sang. Déjà, cette voix sacrée de la famille et de la patrie s'est fait entendre à un grand nombre d'entre vous. Des braves de plusieurs régiments, et particulièrement du 5e de ligne, se montrent fidèles au serment français, fidèles à la charte. Ils sont dans les rangs des défenseurs du grand pacte social. Joignez-vous à eux. Joignez-vous à nous. Aujourd'hui, c'est être avec tout Paris. Demain, ce sera être avec toute la France. Soldats, quel triomphe que celui dont vous rougiriez devant vos contemporains et qui vous flétrirait à jamais devant la postérité. Louis XVIII a confié le dépôt de la charte à la fidélité des citoyens, des gardes nationales et de l'armée. Citoyens, gardes nationaux, nous remplissons nos devoirs. Soldats, songez aux vôtres.